130 livres, chronique du 29 juin 2019, Hellfest, retour vers l'enfer, partie 1. Puisque c'est ton second Hellfest, la question de savoir si tu as bien fait de venir, très prégnante l'an passé, n'est plus d'actualité. Tu sais désormais que ces 3 jours du triptyque gros son, libation, régression assaisonneront 12 mois de ton milieu de vie comme la ravigote enchante la tête de veau. D'ailleurs, cette fois, tu as pris les choses en main, histoire de ne plus être un putain de clandestin. Plus de viagogol à l'arrache, mais un pass acquis dans l'heure et demie suivant la mise en vente. 55 000 enragés en auront fait autant. Plus d'incrustes dans une équipe déjà rodée, mais 5 autres salopards triés sur le volet dont la plupart causaient déjà sidérurgie musicale avec toi en classe de seconde. Plus de première demi-journée carottée par les transports, mais une arrivée sur base la veille au soir. Autant dire que, cette fois, tu sais ce que tu fous là. Non, le vrai débat désormais serait plutôt d'établir si tu es un touriste. Quelques précisions s'imposent ici. À lire sur la toile les comptes rendus d'autres que toi, le touriste est unanimement fustigé, mais pulluderait chaque année un peu plus. Plutôt CSP+, que punk à chien, il viendrait souvent à Clisson en SUV Audi pour jouir de l'ambiance d'Octoberfest vrombissante du festival, parfois même du haut des tribunes VIP ONI. Le bougre logerait ailleurs qu'au camping officiel, n'hésiterait pas à arborer des t-shirts blancs, bouderait l'essentiel des hurleurs satanistes à trognes et patronymes vikings, et s'enthousiasmerait pour les shows mollassons des vieilles gloires les plus inoffensives, soit la programmation des main stage passés 19h. Pire, par sa seule présence importune, chaque touriste priverait un authentique métalleux d'un séjour au Valhalla. Culé, va. Tu as beau ne plus être un bleu-bit, avoue qu'on pourrait hâtivement t'attribuer une ou deux ou trois caractéristiques de l'abject portrait robot. L'angoisse t'étreint. Touriste, toi, tu as 3 jours pour te prouver le contraire. Le vendredi matin, ça part mal. Levé et pomponné de frais dans le gîte 3 épis loué avec tes potes, tu apprends au moment de partir pour le Hellfest que Manowar, pourtant présent sur le site, annule sa prestation prévue à 23h. Manowar, quoi ? Le prototype du groupe qui te faisait frétiller d'impatience, tout en suscitant l'inintérêt poli de l'ordinaire des jeunes festivaliers tatoués. Du power metal à l'ancienne de tes années de lycéen malingre, dominé par l'organe éclatant du frontman Eric Adams. Une iconographie très inspirée de Conan le Barbare, jusqu'à un shooting mythique entre tous à base de biscottos huilés, slips en cuir et gants de fourrure. Plus de 30 ans après, l'image restait là, c'est impossible à dévoir. Gaffe, ton dépit ostensible à l'annonce de l'annulation fait déjà frémir le détecteur de touristes dont tu t'es ça l'intérieur de la tête, sans même compter qu'il te faudra t'afficher avec un pote en pantacourt. En traversant Clisson et les vignobles alentours, tu t'étonnes de l'impression tenace que te procurent les nuées de pèlerins vêtus de noir, parfois garés à une bonne heure de marche. Ils semblent s'égayer dans toutes les directions au lieu de converger vers le lieu des réjouissances. Comme souvent ici, les voies de Belzébuth demeurent impénétrables. Une fois franchie la cathédrale, comme les vrais de vrais désignent la façade gothique de carton-pâte qui domine l'entrée, un cocon sonore, épais et familier t'enveloppe tout entier. Pour s'y acclimater, rien ne vaut une première pinte et l'immersion immédiate dans un set brutal à souhait. Tu optes donc pour Temple, la scène officielle des joyeux prosélytes de la Croix latine retournée, où se produit le trio prime sautier nommé Chaos Dei. C'est guttural et furieux, une sorte de death metal vraiment très, très décédé, à t'en faire trembler dans les mains alors que tu fais usage des urinoirs attenants. C'est lorsque tu reconnais un vibrant « Crevez tous » dans les ultimes borborigmes émis par le chanteur que tu t'aperçois qu'il éructait en français. Au moins ce concert oubliable n'était-il pas de la cam pour aimables vacanciers. Plus encore que le déluge de Watt, le concours officieux du T-shirt du Hellfest démarre comme un dragster. Ta deuxième pinte est servie par un avenant roukmout arborant un définitif « le route en merde » surplombé d'un chaton, avant que tu ne croises un phénoménal « Je suis Charlie » assorti d'un portrait de Charles Manson. Tu enchaînes sur Altar, repère habituel des trasheux les plus énervés qui jouxtent Temple. Aucune surprise cette fois quant à la nationalité des artistes qui embrayent. Pas un groupe anglophone n'oserait décemment s'appeler « sublime cadavérique des compositions ». Sans doute la setlist des 3 Frenchies comporte-t-elle des morceaux fumants de leur dernière galette, le prometteur opus de Porno Gore Grind, sobrement intitulé « Raping Angels in Hell ». Rien que sur leur nom, les mecs ont déjà raflé la mise. Comme tu as gagné, toi, avec ce deuxième groupe de bons furieux. À ce moment précis, le vrai touriste est sûrement parti écouter Clone, minaudé sur le Main Stage 2. Au-delà de la seule question de principe, le geek s'avère presque plaisant. Devant toi, une jolie blonde s'est calée une pinte dans le corsage. Le crâne barbu tatoué sur l'épaule de ton colossal voisin t'inspire un mouvement de recul, et une première gueule en sang, l'air extatique, s'extirpe de la fosse. Il est à peine midi, gamin. Tu te reconcentres sur la performance scénique, à la fois habitée et appliquée, du sale plutôt propre. Pas mal du tout. Le gamin revient, 2 espèces de tampax plantées dans les narines. Il fonce vers la fosse, Perseverare diabolicum, mais c'est justement l'idée. Histoire de ménager tes organes internes, il est temps de passer à moins violent. Ce qui sera le cas avec les anglo-helvètes de Glory Hammer en Main Stage 1, un groupe qu'on t'a vendu comme du heavy metal symphonique et parodique. Citant de leurs homologues prêtes à rire malgré eux, Glory Hammer affiche ses intentions sans embâge. Dès l'intro façon Carmina Burana, le public brandit marteaux et flamants roses gonflables, voire frites de piscine, lesquels confirmeront leur franc succès les jours suivants. Inattendu en pareil voisinage, un drapeau algérien flotte fièrement, tandis qu'un malheureux n'a pas honte de son oriflamme Manowar, alors que tout merchandising ostensible de la bande de dégonflés suscitera force ricanement jusqu'au soir. Puis le groupe déboule, en armure, robe de prêtre ou épaulette dorée de général Tapioca. Comme le confirmera le jeu du chanteur, dont l'inattendu dentier blanc est presque oppressant au soleil de juin, Glory Hammer met une vraie conviction à raconter rigoureusement n'importe quoi. Dont l'invasion de la bonne ville de Dundee par une horde de licornes, sur leur titre culte. Musicalement, ton ressenti est mitigé. La geste épique de ces oseaux rigolards est fort bien interprétée, tout en manquant d'aspérité. En compensation, peut-être aurait-il fallu pousser le déconomètre un tantinet plus loin. D'autres le feront après eux. Sur le Main Stage 2, il est l'heure de Black Rain pour du hard rock glamisant et clinquant d'origine aux Savoyardes. Bien que le pitch évoque une suite de l'indispensable Fatal, pour toi, le temps est venu de déjeuner. Rappelons que la restauration du Hellfest évoque plutôt un rêve de hipster d'Oberkampf qu'un camion à hot dog tiède croisé aux abords du Stade de France. Pour rester dans l'esprit, tu t'appliques à rôter une nouvelle pinte lorsqu'une épatante paire de nichons dépourvus d'entraves, simplement escortée d'un chauve en sarouel long comme un jour sans pain, te fige dans la posture du chien d'arrêt. Puis tu rejoins les abords du Main Stage 1 pour voir les Finlandais de Sonata Arctica, fameux pour leur speed mélodique. Sorte de Ben Affleck, le chanteur a piqué à Axl Rose ses sonorités les plus nasales. Derrière lui, un Gasladon sur une guitare à clavier rose rarement aperçue depuis l'âge d'or des musclés. L'ensemble s'avère désespérément mou du genou. « Ils ont vieilli », fait remarquer quelqu'un. « Ils sont plus jeunes que moi », penses-tu très fort. Rappelons qu'en 2006, la Finlande a remporté l'Eurovision grâce à une formation de hard rock autrement plus péchue que ce qui t'écoule dans l'oreille. Un truc de touriste, quoi. Au moins n'as-tu que quelques mètres à parcourir, sous un cagnard peu indulgent, pour te placer dans l'axe droit de l'Ophophora, prochain set du Main Stage 2, dont tu devines alors qu'il sera consacré toute la journée à la production tricolore. L'initiative n'est pas pour te déplaire, encore faut-il assurer en retour. Ce sera le cas pour la bande à Renault comme pour leur successeur. En français, les paroles engagées sonnent rarement plus subtiles qu'en anglais, comme d'ailleurs les nombreuses revendications d'authenticité et d'intégrité artistique de l'intéressé. Pas de reprise de Johnny, pas de danseuse, pas d'effet pyrotechnique. On a compris, gros. Accorde-lui que les basses Maus et la fusion basique de l'Ophophora font bouger les présents, à défaut de t'empêcher de regretter les tueries de Body Count et Power Flow de l'an passé. Le temps fraîchit brusquement alors que s'élancent de nombreux crowdsurfers, dont un môme d'environ 10 piges, casque anti-bruit sur les oreilles. Oui, le Hellfest est gratuit pour les enfants, et non, ce n'est pas toujours une bonne idée de les y emmener. Cette édition sera pour toi l'occasion de décerner quantité de trophées de parents de l'année. Les mimiques de sociopathes de Renault rappellent celles du Negan de The Walking Dead. « On aura bien ton droit de vendre de la bœuf, mais pas toi, hein, les multinationales » poursuit-il. On a compris, gros. Après un Wall of Death de bonne facture, tu repars en exploration. De retour à Temple, le spectacle qui s'offre à tes yeux incrédules est indescriptible. Un barbu couronné de baudruches tentaculaires et drapé dans une cape d'hermine s'applique à ambiancer une foule hystérique, accompagnée d'un groupe de travestis velus, sur fond de drapeaux norvégiens. Ta perplexité à l'écoute du pagan metal de Trollfest dénote ta réelle impréparation. Alors que se structure la plus longue chenille de l'histoire du bal musette sous mescaline, tu fuis sans demander ton reste, sans bien savoir s'il s'agit d'un réflexe de touriste ou de vrai ardos. Les eaux rassurantes du Main Stage 1 accueillent désormais les Bostoniens de Godsmack, dispensateurs d'un métal alternatif aux notes de grunge et de hard à l'ancienne, de confection aussi classique qu'une religieuse au chocolat. L'air tout joyeux d'être là, le frontman Sully Erna arbore entre autres un joli tatouage AC/DC, de quoi garantir ta franche bienveillance. C'est propre comme au studio, avec un supplément d'âme. Les choses paraissent se gâter alors que la batterie s'avance en première ligne. Celui qui officie au fût a la pâleur et les favoris d'un footballeur anglais des 70s. L'effroi t'étreint quand commence à durer son solo. Inutile et masturbatoire par essence, un solo de batterie devient proprement incommodant au milieu d'un set d'à peine 50 minutes. Mais l'inattendu se produit, puisqu'un bongo et une seconde batterie font maintenant face à la première, depuis laquelle le chanteur défie son batteur. Le duel dont tu apprendras qu'il est aussi ancré dans les concerts de Godsmack que les apparitions d'Eddie lors de ceux d'Iron Maiden se nomme officiellement Battaglia de los Tambores et divertit sans chichi en dépit du côté gadget. Le medley de Back in Black ou Oxy Sway et Enter Sandman et le Circle Pit qui annonce le final achèvent de te convaincre. Fuck la disruption pour ceux qui savent s'en passer. Remarque de touriste ? Hypnotisé par la seconde paire de lolos qu'on exhibe sous ton nez ce jour-là, le détenteur en est hélas un monsieur torse nu et plutôt corpulent, tu loupes l'entrée sur la scène d'à côté des vedettes incontestées de tes gentils pogos d'étudiants, les parigots rageux de No One is Innocent. Leur set empile les similitudes avec celui de Lofofora. Mise en scène minimaliste, le rap fusion qui gigote, politique et la truelle, mais le son te semble plus clair et les titres plus variés. Devant toi, deux gamines en treillis se galochent avec appétit au son révolutionnaire de Chile. Derrière, la foule semble plus dense que celle du vendredi de l'an dernier. Si le concert de No One t'aura globalement convaincu, tu en retiendras surtout l'inexplicable bonnet du stand de South Park enfilé sur la tête du guitariste par 30 degrés à l'ombre. L'œil du touriste ? Un pote à toi fait chou gras des prochains invités du Main Stage 1, au point d'avoir passé son t-shirt vintage à leur couleur. Fruit de l'union du gratteux et du chanteur de deux estimables formations américaines et allemandes, dont tu ignorais l'existence, Demons and Wizards instaure une ambiance médiévale de cimetière brumeux, là où le soleil tape désormais comme un marteau-piqueur. Si son charisme de courtier en assurance entre deux âges n'impressionne guère, la pureté du timbre de Hansi Kursch rappelle celle de son compatriote Klaus Mene, et il pousse des notes dignes d'un Rob Halford sans donner l'impression de s'être positionné la couille droite sous une presse hydraulique. L'ensemble est impeccable, quoiqu'un poil éloigné de l'esprit d'un festival. Un esprit qui a parfaitement intégré ce grand type qui passe devant toi vêtu du maillot de bain de Borat et d'un long couvre-chef jaune et mou, ou la bande de cheerleaders barbus déjà aperçue en 2018. En ce qui te concerne, Demons and Wizards ne dépassera pas le succès d'estime. Nouvelle vadrouille agrémentée d'un peu de socialisation, même si ta batterie de téléphone se décharge à la vitesse d'un collégien dans un bordel, à force de mitrailler un set après l'autre et d'échanger clichés et blagues crétines avec tes potes, tu fixes sur le site des rancards avec d'autres amis, virtuels ou pas. On ne connaît jamais assez de gens qui ne lèvent pas un sourcil à la simple évocation d'Angus Young. Le point de ralliement avec ta bande est fixé à Altar, devant Pestilence, dont tu n'entends que la toute fin de la setlist. Non sans grandiloquence, le site officiel du Hellfest affirme à leur endroit que « la bête batave meurtrie est toujours aussi agressive et c'est avec les crocs bien aiguisés qu'elle continue de mordre jusqu'à ce que mort s'en suive avec son death metal à haute teneur en technicité ». Vous êtes raccord. Dans ton calepin, tu notes « pestilence de points du slip ». Ce qui perce de Dagoba, à mesure que tu avances vers le Main Stage 1 en vue de te placer pour Dream Theater, est un groove metal honnête et besogneux à défaut d'épaté. En revanche, on t'a vendu Dream Theater comme l'amateur d'Abba vante l'andouillette 5A, une Rolls. Aussi t'emploies-tu à reconstituer le puzzle visuel et sonore qui t'est proposé, avec le sentiment tenace de ne pas tout bien y piger. Une basse à 6 cordes, ça gouache, un support de micro en forme de main d'androïde tenant un crâne, pourquoi non? Une voix dont tu oses glisser à ton voisin expert qu'elle a les échos de celle du Sébastien Bach de Skid Row, avant de sentir poindre un mépris souverain dans la brève réponse qui t'est assénée. Une guitare de haute précision qui t'évoque l'Ibanez de Joe Satriani, maniée avec doigté par un clone de Sébastien Tellier. Un saisissant pantalon en cuir, très tendu sur la moitié inférieure du chanteur potelé, dont bagues et gourmettes ornementent les grosses patounes. Une sorte de Charlie Couture au clavier. Devant toi, cette fois-ci, deux mecs en kilt qui se galochent sur un slow atmosphérique. Puis l'un des types embrasse une fille. Tu n'as pas tous les codes. Et pourquoi t'attardes-tu sur tant de détails à ce point insignifiant? Parce que tu t'ennuies ferme, voilà le topo. Tout ce petit monde est virtuose, tape des solos de ouf malade, mais n'en voit rien qui viendrait secouer la douce torpeur de l'assistance. On n'est guère loin du bon vieux four. Dieu, ou l'autre, soit loué, l'antidote est programmé juste après. Tout ce que tu perds en maestria est récupéré en strict terme de présence et d'engagement. Et pour le prix, tu vas bien rigoler, parce qu'il est l'heure de l'apéro, la seule qui s'y est vraiment à ultra-vomite. Dans l'attente, un festivalier joue du clairon, un autre exhibe une montre calculette, tandis que passe sur les écrans un message promettant le triomphe de l'imposture à venir. Ailleurs, dans la foule compacte, une bannière représente Vladimir Poutine chevauchant un lama sur fond rose et arc-en-ciel. Puis les déglingos nantais entament leur heure de délire régressif. Jouant à domicile, ils ne feront pas de prisonniers. Tels des Fatal Picards du métal lourd, ils enchaînent parodies bien senties et blagounettes consternantes à un rythme d'enfer. Le public adore, littéralement. Tu saisis l'air d'une chanson cracra de ton enfance, celui de Tiroli Pimpon sur le Chihuahua, un hommage bizarre aux Cranberries, un pamphlet de black metal contre les cantines scolaires alors qu'un portrait de Maïté est déroulé en arrière-plan, pile au moment où une crotte surfeuse en cuir et barésie t'atterrit sur la tête. Le reste est confus mais toujours plaisant. Un hybride aberrant et réussi de Gojira et Calogero, à l'issue duquel un sosie du second apparaît. Une reprise de Thunderstruck par une chorale de gospel, après laquelle Jésus vient ouvrir la foule pour un Wall of Chias. Il y aura pire, étonnamment. Le leader fœtus livre le mode d'emploi d'une queue-leu-leu géante dont le schéma explicatif sort tout droit du Human Centipede. Mi-hilar, mi-atterré, tu subiras aussi I like to vomit, vomit, je collectionne les canards et des pastiches réussies de Pantera, Rammstein et Iron Maiden. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il joue plutôt bien. Une seule certitude, sur ce coup-là, les touristes et les autres se sont marrés pareil. Toi et ta carte vermeille avaient besoin d'une pause à l'ombre du bosquet du bien-nommé Kingdom of Muscadet. Il en va de ta capacité à tenir les prochains chocs qui s'annoncent, au nombre desquels ne figureront pas les Dropkick Murphys. De loin, la version enragée des Pogs semble électriser son monde. Toi, tu pries pour tes lombaires, vautrés sur un sol en terre que l'organisation a eu le bon goût de couvrir cette année d'une couche de gros copeaux de bois. Le temps d'un dernier sandwich, Massisteria a repris la main sur le Main Stage 2. Peut-être trouves-tu, à raison, une manière de redite entre eux et Lofo ou No One. Créneau de prime time oblige, la mise en scène est plus soignée. Difficile de réprimer un sourire à l'écoute des appels répétés de mousse aux gilets jaunes authentiques et aux sans-dents, face à la foule du festival français où les cadres sont le plus présents. D'ailleurs, sans attendre de raz-de-marée, tu imaginais les gilets jaunes mieux représentés. Las, le dit vêtement se remarque surtout au sein des équipes de nettoyage du site, ou sur de rares festivaliers dont les plus audacieux les ont ornés de patchs. Tu reconnais cependant à Massisteria un certain panache lorsqu'il dédicace le très heavy « L'enfer des dieux » aux victimes des attentats, ce qui ne t'empêche pas de lever le camp. Autant varier les plaisirs, on n'est pas des touristes. Premier arrêt à Altar, pour tâter la hargne intacte des papis du death metal de Possessed. La dernière fois que tu as vu un métalleux chanter assis, c'était Axl Rose avec AC/DC, autant dire un set taillé pour tes goûts d'amateur de hard rock. Jeff Becerra, lui, ne s'est pas vaguement abîmé un métatarse, mais la paraplégie ne l'a pas calmé. Du tout. C'est rapide, c'est lourd, c'est gras, et ça te sèche sur place au point de vite jeter l'éponge. L'occasion d'aller enfin zioter ce qui se passe du côté des punks, sur le dévers post-apocalyptique de la Warzone. De quoi te réconcilier avec tes tympans. D'autres anciens, ceux de Descendants, y envoient la morteau sur un mode nettement plus rock. Au micro, l'ex-chercheur en biologie moléculaire Milo Aukerman fait de la courroie à lunettes un accessoire presque cool, en comparaison du fan moyen déchiffré des lettres. Les titres s'enchaînent sur un train d'enfer et les minots de la fosse semblent apprécier autant que toi ou que le type en combinaison Tortue Ninja à ta droite. L'équité est un déchirement, mais la curiosité l'emporte. Depuis l'après-midi, tu sais que les empaffés de Manowar sont remplacés par Sabaton. Présent la veille à Clisson pour le Knotfest, festival de métal nomade hébergé ici cette année, les Suédois sont restés sur le site et ont les gonades XXL d'improviser le plat de résistance de ce vendredi soir. Risqué, généreux, couillu, métal quoi. Pour corser leur course à handicap, le frontman charismatique et armoire à glace, pas une métaphore mais un constat factuel, sur un buste large comme une porte de grange, il porte tout plein de plaques de métal, Joachim Breuden déclare forfait après trois chansons. Le Malabar est à faune. Seulement voilà, comme il le précise à la grande joie des fans, « We don't like to cancel !» dans ton cul, Manowar. Et des plans B et C sont prévus. Les deux gratteux vont donc suppléer, malgré une angoisse palpable, sur des registres différents. Mélodique pour le blondinet Tommy Johansson et plus rauque pour le brun Chris Rurland. Jouer en enfer n'exclut pas l'hypothèse d'une justice immanente. Le bazar tourne très bien comme ça. Au soutien, Breuden gesticule et leur tend les paroles. Les deux assurent comme des bêtes, au point de susciter l'enthousiasme immodéré d'une voisine à toi qui crie « à poil !» à chaque break. Sabaton donne sans modération dans le folklore militaire, comme l'atteste le cœur de soldats en uniforme de la Grande Guerre qui les rejoint sur scène. Les hymnes de power metal épique s'enchaînent avec une parfaite fluidité, tandis que lumière, décors et impeccable soyeux des chevelus en jettent franchement. Pour peu que tu évites de porter trop d'attention aux paroles simplettes, le show t'en donne pour ton pognon. Une vraie prestation de groupe aux antipodes de Dream Theater. Ce sera la dernière de ta journée. Pour voyager loin, ménage tes lombaires, et là tu en as juste plein le sillon interfessier. Tant pis pour Gojira, dont tu entendras les échos furieux une fois rentré à ton camp de base, 20 bornes plus loin. Un retour de touriste? Bah, 12 heures auparavant, n'oublie pas que tu t'infligeais sublime cadavérique décomposition.